qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Épisode 5. Non, il y en a un qui marche vers une baraque, un qui vient de faire des kilomètres le long d'une voie ferrée et avance encore, avance automatique, comme la bête articulée qui l'a amené jusqu'à la côte, avance vers un autre qui doit lui dire où, qui doit lui dire quand, mais seulement quand il aura dit lui qu'il vient de la part de Moïse, et quelques centaines de mètres avant, il passe devant une belle femme aux longues tresses, se faisant coiffer par deux autres femmes, tant le travail a l'air long et très précis. Tu vas voir, on ne va rien voir, tu pars tranquille. Et elle rit toutes les trois, très fort. À peine arrivé, on lui demande la recommandation. Je viens de la part de Moïse. Ok, départ de nuit. Quand? Demain, tu as la somme? Oui, très bien. Il déplie une feuille, 138, c'est ton numéro, il n'y a pas de remboursement. À l'embarcadère là-bas, tu le vois? C'est ce genre de canot là? Non, plus gros, mais t'inquiète, j'ai un cousin qui le prend, une belle sœur aussi, donc tu vois, il n'y a pas de problème, il est bon. Non. Sur la barque lestée de quelques corps de plus, de quelques muscles encore irrigués, accrochés à des os, tendus d'écailles de peau d'homme, blanchies et provisoirement fraîches, où nichent encore des yeux clignant vaguement, où se dilatent encore par endroits des trous d'où s'écoule de l'eau ou de l'air, ou des mucosités diverses, des corps donc, glanés sur les restes de l'indestructible zodiaque. Sur la barque exsangue, il y en a un qui voit le trait noirâtre d'un rivage épaissir l'horizon, qui tente d'en trouver la confirmation sur l'écran du GPS défaillant, qui évalue ce qui reste de jour, adossé au Yamaha, hélice en l'air depuis plusieurs heures. Un qui essuie ses verres dans sa chemise de crasse avec un autre qui murmure « Le train est arrivé ». Un qui hisse son menton sur le rebord et ne voit rien. L'autre côté conseille la voix du barreur et il voudrait ajouter « Je l'avais dit, nous arriverons, regarde, je l'avais dit ». Le trait s'affirme légèrement, le rivage n'est pas encore un rivage, le rivage est un trait d'encre marron légèrement dentelé sur fond orangé, une représentation allant s'épaississant, s'amenuisant, au gré du mouvement, au gré du regard, au gré de la lucidité, au gré de la crédulité, selon les paupières, selon la buée des larmes. Le trait s'élargit et occupe maintenant toute la largeur de l'horizon. La diagonale de l'embarcation le croisera tôt ou tard. Tôt ou tard, la nef touchera au but. Il voudrait se lever, mais comment le pourrait-il? Un vent de terre parvient aux joues des marins affalés, parvient aux joues de la barcasse, lui donne du gîte et ranime un peu les demi-morts. Une rame, puis deux glissent mollement dans l'eau, tentent de donner un peu d'allure, mais éclaboussent juste la surface. Geste d'enfant joueur. Il y en a qui se lèvent et retombent. Regardez, on arrive. On arrive, répètent quelques bouches, certaines sans y croire. Vous êtes sûr? Demandent d'autres. Juste des rochers. Non, non, regardez jusqu'où ça va. C'est grand. C'est immense. C'est une terre. Une terre? J'en vois qui marche dessus. Tu ne vois rien. Si, là, regardez. Une violente secousse envoie tout le monde au fond de l'esquif. Aïe putain, fais gaffe mon bras, tu m'écrases, je saigne. La barque s'est figée brutalement, s'est fichée dans le sable. Non. Regardant son propre visage dans les vagues, il y en a un allongé sur un flotteur, un qui serre avec peine entre ses cuisses son dernier rempart, qui regarde le fond, un qui a vu passer au loin la barque, mais un qui n'a rien su faire, un que la mer va reprendre, un qui est prêt à se fondre dans l'univers, un qui voulait être géographe par goût des paysages qu'on lit mieux que les livres, pensait-il. Il y en a un, donc, qui se laissant glisser, se voit marcher sur l'asphalte. Un qui entend ses pas, un qui entre dans un café, un qui tient un volant, un qui voit défiler bois et forêts, un qui gravit une échelle avec une échelle sur le dos, un qui ouvre la porte d'un appartement, s'approche de la fenêtre, regarde la pluie tomber sur les avenues bordées d'arbres, regarde la ville clignoter au loin, un qui se dit « J'ai traversé la mer, j'ai traversé les morts, j'ai traversé la soif ». J'ai traversé ceux qui n'ont pas traversé. J'ai traversé ceux qui se sont nourris de moi. Je suis la viande de ceux qui ne traversent pas. Je suis la pêche de ceux qui ne pêchent plus. Je suis la chair qui repeuple la mer vide. J'ai traversé ceux qui n'ont pas pu me tuer. J'ai traversé la puanteur de ceux que je portais, qui m'ont porté, de ceux qui s'agrippaient à moi et auxquels je m'agrippais, de ceux qu'on poussait sur moi, de ceux qui m'écrasaient et que j'écrasais, de ceux qui me tombaient dessus et sur qui je tombais. Je suis une pluie d'hommes, je suis une flaque, je suis une goutte de chair, je suis une marée d'hommes sur le camion, sur le train, dans la benne, sur les cieux, dans la barque. Je suis une forêt d'hommes qui attend. Je suis l'odeur qui attire les requins. Je suis un appât pour une expérience. Je suis un repas de militaire. Je suis un festin de voyous. Je suis un déjeuner de ministre. Je suis un carnage de rapaces. Je suis celui qui marche. Je suis celui qui s'éloigne. Je suis celui qui part et ne revient pas. Un qui, dans la nuit, disparaît sans laisser de traces comme l'espèrent les derviches, en tournant sur eux-mêmes, aspirés par leur propre spirale, aspirés par le tourbillon, en haut et en bas. Non, dans l'eau, maintenant, jusqu'à la taille, il y en a qui marchent avec peine, tenant comme ils peuvent sur leurs jambes, tenant leurs restes d'affaires accrochés les uns aux autres, comme des soldats rentrant de la bataille. Moïse ouvre la marche, revient vers ceux qui fléchissent, les relève, repart. La nuit gagnant, ils se dispersent. Il y a des trous d'eau où il faut nager. Comment être sûr qu'on approche? Remonter le vent tiède, aller contre lui, crier, se fier aux voix qui parviennent. Par là, devant, devant, ça passe là, allez, ça passe. Ici, ici, combien êtes-vous, combien? Eh oh, eh, where is your boat? Help, la barca, chalupa, boat, help. Dans le noir, les bras s'accrochent aux bras, les mains s'agrippent aux vêtements. Il y a des jambes qui ne peuvent plus avancer. Il y a des corps qui titubent et se noient. Il y a des chaussures trop grandes qui se détachent des talons sous le poids de l'eau et du sable. Il y a des corps qui s'affalent sur le rivage, enfin, comme des soldats sous les rafales ou comme des gens qui s'abattent sur leur lit. Il y en a qui tiennent debout, mâts de chair et d'os plantés, drapeaux flottants de leur victoire ne bougeant plus sur le sol conquis, arraché à la mort d'une terre étrangère. Qui veut traverser, de Marc-Emmanuel Soriano. Lu par Jacques Bonafé. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Réalisation, Véronique Lamandoubre.